Vers le 10 février, les préparatifs touchaient à leur fin. Le 16 février, le Resolute vint jeter l'ancre devant Greenwich. On embarqua 10 tonneaux d'acide sulfurique et 10 tonneaux de vieille ferraille pour la production de gaz hydrogène. Ces divers préparatifs se terminèrent le 18 février au soir. Les trois voyageurs s'installèrent à bord dans la journée du 19 février. Le 20, grand dîner d'adieu. À minuit, après des adieux émouvants et de chaleureuses poignées de main, les convives se séparèrent. À 1 heure, chacun dormait à bord. Le lendemain, 21 février, à 3 heures du matin, le Resolute fila vers l'embouchure de la Tamise.